إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، donc on continue avec l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan, Adou Hayat Kibar Al-Ulama, wa Adoun min Al-Ifta, min Hayat, yani Al-Ifta fi Saoudiya, Al-Lajna Al-Da'ima Al-Ifta. On commence maintenant le cours 18. Comme on avait dit, au cours dernier, on a commencé à expliquer certains points qui ont rapport avec la réfutation des négateurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms, et la réfutation de leurs faux principes. Donc on continue sur la même ligne d'idées et la même... les mêmes points, on continue sur ces points-là que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a commencé à clarifier. Et donc, il dit ici, وَبِالِاضْطِرَارْ يَعْلَمُ كُلُّ عَاقِلٍ أَنَّ مَنْ دَلَّ الْخَلْقَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً لَقَدْ أَبْعَدَ النَّجْعَةَ وَهُوَ إِمَّا مُلْغِزْ وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. نعم، donc le cheikh il dit que on sait par nécessité que toute personne intelligente et raisonnable sait par nécessité que celui qui indique à la création que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône ou qu'il n'est pas au-dessus des cieux ou qui fait des négations de ce genre, il nie que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de son trône ou qu'il soit au-dessus des cieux. Donc celui qui fait ça, en se basant sur des versets comme les négations générales qui sont mentionnées dans le Coran au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple « Hal ta'lamu lahu samiyya » « Est-ce que tu lui connais un égal ?» Eh bien, il est allé loin dans ses tentatives pour essayer de nier la réalité et nier la vérité. Et il dit wa huwa imma mulghizun aw mudallis lam yukhatibhum bilisan arabiy mubin. Donc c'est comme si il était en train d'essayer de dire que Allah subhanahu wa ta'ala parle par des codes mystiques, ou bien qu'il cache la réalité et qu'il parle pas et qu'il ne mentionne pas les choses clairement, et qu'il ne leur a pas parlé par une langue arabe claire. Celui qui nie la réalité des attributs, c'est ça qu'il dit indirectement. Et certains d'entre eux, comme on l'a expliqué, ils le disent directement lorsqu'ils disent ce qu'ils disent. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet-là. Il dit, « Man istadalla ala nafi al-ulu, ala nafi ulu illah, ala nafi al-ulu lillahi, ala makhlouqatihi, wa nafi istiwaihi ala arshihi, akhzan min qawlihi ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya, anna hadha qad ab'ada l'istidlal, لأن الآية لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلو، وإنما تنفي المشابهة والمماثلة، ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوا يليق به، واستواءه على عرشه استواء يليق به، وإثبات الوجه لله واليدين وصفات الذات وصفات الأفعال، فلا تدل الآية على نفي هذه الصفات التي تثبت لله عز وجل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que celui qui se base sur des versets généraux comme est-ce que tu lui connais un égal ou un semblable pour essayer de nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création ou au-dessus de son trône, eh bien cette façon de ramener des preuves pour essayer d'alimenter ou bien de supporter leur négation, elle est très loin de la réalité, très loin de la vérité. Parce que ces versets-là n'indiquent pas du tout la négation du fait que Allah soit au-dessus de son trône ou qu'il se soit élevé au-dessus de son trône et qu'il soit au-dessus de sa création. Hein? Le fait qu'on dise par exemple, il n'y a rien qui lui ressemble, ou qu'on dise que est-ce que tu lui connais un semblable ou un pareil, celui qui pense que ça veut dire qu'il n'est pas au-dessus de sa création, eh bien il est loin. Il est loin dans cette façon d'utiliser le Coran comme preuve, puisqu'il n'y a rien dans ces versets-là qui nie que Allah soit au-dessus de sa création. Donc le cheikh il dit, la seule chose qu'on retrouve dans ces versets, c'est la négation des ressemblances avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou la négation des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces versets-là ne nient pas du tout le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création d'une manière qui lui convient, ni que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus de son trône d'une façon qui lui convienne, et on ne retrouve pas non plus dans ce verset-là la négation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du fait qu'il ait deux mains, ou également ses attributs, les attributs de sa personne ou les attributs de ses actions. Il n'y a rien dans ces versets-là qui indique une négation de ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé ailleurs dans d'autres versets et dans d'autres textes de la religion qui sont clairs. Donc c'est comme si ces gens-là prennent des versets qui sont généraux dans la négation pour essayer de nier des versets spécifiques qui affirment des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, on voit clairement leur égarement ici quand ils agissent de cette façon. Et le cheikh il dit فَهُمْ كَمَا سَبَقْ أَخَذُوا جَانِبَ النَّفِي وَتَرَكُوا جَانِبَ الْإِثْبَاتِ كَعَدَةِ أَهْلِ الضَّلَالِ دَائِمًا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما يخالف رأيهم. Donc le cheikh il explique la méthode et la voie des gens d'égarement. Il dit donc ces gens-là, comme on l'a expliqué précédemment, eh bien ils ont pris l'aspect de la négation, le côté de la négation, et ils ont laissé de côté l'aspect de l'affirmation. Et ça c'est l'habitude des gens de l'égarement. Ils font toujours, ils agissent toujours de cette façon. Ils croient en une partie du livre et ils renient l'autre partie. Et ils prennent ce qui est en leur intérêt et ils laissent de côté ce qui est en opposition ou en contradiction avec leur opinion. Le cheikh dit ensuite بل إن أهل الضلال في الأحاديث النبوية يأخذون ما يصلح لرأيهم ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفا ويتركون الأحاديث الصحيحة التي تخالف قولهم ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسيرها ويلوون أعناقها حتى تخضع لقولهم هذه عادة أهل الضلال دائما وأبدا. Donc le cheikh il dit même que les gens de l'égarement au sujet des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent uniquement ce qui est en accord avec leur opinion et ce qui est d'accord avec ce qui supporte et qui correspond à leur intérêt et à leur opinion. Même si c'est un hadith qui est fabriqué ou un hadith qui est faible, ils le prennent quand même. Et si c'est un hadith qui est authentique, qui contredit ce qu'ils veulent, ils le laissent. Même si c'est un hadith authentique, parce que le hadith est en contradiction avec leur opinion et leur parole. Et étant donné que le hadith authentique contredit leur parole ou leur opinion, qu'est-ce qu'ils font? Ils le déforment de son sens réel et ils lui donnent une interprétation contraire à sa réelle signification. Et ils essaient de tordre le cou des textes pour que ces textes-là rentrent dans ce qu'ils veulent, hein, imposer à la, ils veulent imposer à la parole ou au hadith le sens qu'ils veulent eux, même si c'est en contradiction avec les preuves, le hadith, les preuves de la langue arabe et toutes les autres règles de la charia. Yani, pour eux, ça leur est égal. Et ça, c'est l'habitude des gens de l'égarement. Yani, ils font toujours ça. Et c'est comme ça qu'ils agissent et qu'ils ont toujours agi. Le cheikh, il dit ensuite, فيجب الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل وهذا ليس خاصا في باب الأسماء والصفات بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة لأنه يلزم عليه أن الله لم يخاطب الخلق بلسان عربي مبين كما قال تعالى عن القرآن أنه بلسان عربي مبين. Donc le cheikh il dit, et ça, c'est pas spécifique, yani, ça, c'est, il faut faire attention. Il est obligatoire de prendre nos gardes face à leur méthodologie qui est fausse. Et ça, c'est pas spécifique, yani, à la question qui est reliée ou rattachée au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, c'est quelque chose qui est général. C'est quelque chose qui est général. C'est-à-dire qu'ils appliquent cette méthode, hein, de nier les textes. Et, ou bien de prendre ce qui est en accord avec leur passion et de déformer le reste, ils le prennent dans tous les aspects de la religion dans lesquels ils veulent suivre leur passion. C'est pas seulement dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, mais dans tous les différents aspects, dans toutes les différentes voies, dans toutes les différentes croyances qu'ils ont qui sont fausses, eh bien ils agissent de cette manière et ils agissent comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas parlé, ne s'était pas adressé à la création dans une langue arabe claire. Hein? Et comme si le Coran, yani, n'était pas descendu dans une langue arabe claire, telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. Donc le cheikh il dit ensuite, فَهَاُولَا جَعَلُوا الْقُرْآنَ بِمَثَابَةِ الْأَلْغَازِ hein? يَقُولُونَ ليس هو على ظاهره له تفسير خفي في تفسير تفسير لا يعثر عليه إلا الحذاق من الناس فجعلوا القرآن كألغاز والله عز وجل جعله بيانا للناس وهدى ورحمة وشفاء هم يقولون القرآن ليس على ظاهره القرآن له معنى لا يغوص عليه إلا الحذاق من الناس وقد كذبوا في هذا فالقرآن ولله الحمد واضح ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Donc le cheikh il explique, il dit, ces gens-là, ils ont essayé de faire du Coran quelque chose qui ressemble à des codes secrets ou à des codes mystiques, et ils disent ce Coran, il n'est pas dans son sens apparent. Il a une interprétation secrète, une interprétation cachée, mystique. Hein? Il a une interprétation que seuls les intelligents parmi les hommes sont capables de comprendre. Et ils ont fait donc du Coran comme des codes secrets. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit son Coran comme étant une guidance pour les hommes, une clarification pour les hommes, une miséricorde, une guérison. Tandis que eux, ils disent le Coran n'est pas dans son sens apparent. Il ne faut pas croire au Coran tel qu'il est dans son sens apparent. Ils disent que le Coran, il a une signification que personne ne peut comprendre, excepté certaines personnes intelligentes. Et comme par hasard, les personnes intelligentes sont seulement ceux qui sont dans leur secte, hein, ou dans leur groupe. Et le cheikh il dit, et ils ont menti en disant cela, parce que le Coran, par la grâce d'Allah, il est clair, il a été facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 18, dans surat Al-Qamar, et nous avons rendu le Coran facile au rappel, alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour se rappeler? Et le cheikh il dit yastafidu minhu al-ammi wal-muta'allim wal-'alim كل من سمع القرآن استفاد على قدر ما آتاه الله فالقرآن واضح ولله الحمد. Donc le cheikh il explique et il dit que tout le monde peut profiter de ce Coran, le musulman ordinaire, hein, le commun des musulmans, ou la personne parmi les musulmans qui est éduquée, ou celui parmi les musulmans qui est savant, chacun qui entend et qui écoute le Coran, il peut en profiter selon la portion et selon la quantité qu'il a et selon la portion qu'il a de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de compréhension. Et donc le Coran, il est clair par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce que Cheikh Al-Fawzan a mentionné à ce sujet. Et ici le Cheikh Al-Rajhi dans son charh النفحات المسكية il explique un point ici par rapport à ce que font les gens de Bid'a ici lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les cieux, n'est pas au-dessus des cieux ou n'est pas sur son trône. Donc le cheikh Al-Rajhi il dit يزعم المبتدع أن الله ليس فوق العرش. Donc l'innovateur pense que Allah n'est pas au-dessus de son trône. لأنه لو قال فوق العرش لصار الله في زعمه مشابها لأحد الناس. Donc il pense que si on dit que Allah est au-dessus de son trône, que on a fait ressembler Allah, yani selon ce qu'il s'imagine lui, il pense qu'on a fait ressembler Allah à une des personnes, à une personne ou à quelqu'un. Hein? Et il dit وصار مشابها للمخلوق الذي تكون فوقيته محدودا على محدود. Donc ils essaient de dire que si on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, eh bien ils pensent que ça veut dire qu'on a fait ressembler la créature lorsqu'elle se met l'une par-dessus l'autre, et qu'on délimite Allah en disant qu'il est sur son trône, comme les créatures lorsqu'elles se mettent l'une sur l'autre, hein, elles sont limitées, c'est une chose limitée sur une chose limitée. Et il se base sur des versets comme وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Il n'y a rien qui lui soit comparable, qui lui soit égal dans Surat Al-Ikhlas. Et le verset هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا. Est-ce que tu lui connais une ressemblance ou ressemblable? Et il dit ensuite عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ. Donc il se base sur ces négations générales pour nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit sur son trône. قُلْنَا وأين يكون؟ Dans ce cas-là, on leur dit, dans ce cas-là, où est-ce qu'il est? Il est où Allah subhanahu wa ta'ala? فيقول المعطل إما أن يكون في كل مكان أو يكون داخل لا داخل العالم ولا خارجه والعياذ بالله. نسأل الله العافية. لا شك أن استدلال بعضهم بمثل هذا من أبطل الباطل. Donc il dit le cheikh, donc quand on leur demande dans ce cas-là, il est où? Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Eh bien, le mu'attil, la personne qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond en disant soit qu'il est partout, donc soit qu'ils vont dire il est partout, hein, on sait que ça c'est kufr, ou bien soit qu'ils vont dire qu'il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. N'a'ouzou billah. Hein? Et le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que cette argumentation-là qu'ils utilisent, c'est la plus fausse des faussetés dans l'argumentation. Hein? Parce que quand ils disent ça, c'est comme s'ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Puisque s'il n'est pas, s'ils disent qu'il est à l'intérieur de sa création, c'est la parole qu'on a dit au début quand ils disent que Allah est partout. Donc ça c'est kufr. Et l'autre, s'ils disent qu'il n'est pas à l'extérieur de sa création, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est nulle part. Hein? Ça veut dire qu'il n'existe pas en fait. Et c'est pour ça que la divinité des mu'attila, elle existe uniquement dans leur imagination. Elle n'existe pas pour de vrai. Hein? Et ils ne croient pas réellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils affirment seulement une existence abstraite qui n'existe nulle part ailleurs que dans leur imagination. C'est ça la réalité de ce que les Jahmiya adorent. Ils adorent le néant. Et tous ceux qui les suivent dans cette voie-là. Naam, donc ensuite on continue avec l'explication de la suite des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que qu'est-ce qui est impliqué par cette parole qu'ils disent, le fait de se baser sur les versets de la négation seulement et de ne pas retourner aux versets de l'affirmation et de prétendre dans l'affirmation se baser uniquement sur la raison et non pas sur les textes. Eh bien, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet, il dit, et ça implique quoi? Ça implique que d'avoir laissé les hommes sans message, sans révélation, ça aurait été mieux pour eux dans les fondements de leur religion. Parce que de toute façon, ce à quoi ils sont renvoyés avant le message, avant la révélation, et ce vers quoi ils sont renvoyés après la révélation, pour eux, pour les Mu'attila, c'est la même chose. C'est-à-dire que avant la révélation, ils se basaient sur leur raison, et après la révélation, ils se basent sur leur raison. Donc, pour eux, c'est complètement égal qu'il y ait une révélation ou non. Puisque dans tous les cas, ils retournent que à leur logique, que à leurs propres règles qu'ils ont inventées, que à leur raison. Et ils ne se retournent pas vers la révélation. Donc le cheikh, il dit, en fait, selon ce qu'ils prétendent, la réalité c'est que, selon ce qu'ils prétendent, c'est que la révélation n'a fait que les augmenter en aveuglement et en égarement. Wal'iyadu billah. Ça c'est des paroles graves. Ça c'est les implications graves que ces gens-là, ils sont en train de supporter sans réaliser parfois. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet, il dit: لو كانت العقول كافية والأفكار كافية ما احتاج الناس إلى رسالة بل إن الرسالة زادتهم بلبلة لأنها ليست على ظاهرها وإنما جاءت بألغاز وأحاج وتدليس فلو سلموا منها لكان أحسن لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وهو العقول إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة لأن الرسالة عمت عليهم الأمور تعمية وأضلتهم لأنها جاءت بما يخالف العقول بزعمهم فهي ضلال. Donc le cheikh reformule qu'est-ce que le cheikh Ibn Taymiyyah a dit et il le simplifie. Il dit donc que les raisons, l'intelligence des gens, elle est suffisante selon la pensée de ces gens-là. Et les idées, la logique qu'ils ont inventée est suffisante pour les gens selon eux. Et selon eux également, les gens n'ont pas besoin d'un message qui vient d'Allah ou d'une révélation. En fait, même ils vont jusqu'à y aller dans leur implication, ils vont jusqu'à dire que le message et la révélation n'a fait que rajouter des problèmes. Pourquoi? Parce que le texte n'est pas à prendre dans son sens apparent. Selon ce qu'ils disent, le texte c'est seulement des codes mystiques, et des paroles qui ne sont pas claires, et des mots qui n'ont pas le sens que dans lequel ils sont employés, c'est-à-dire des mots qui sont là, mais ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire, et des mélanges de la vérité et du faux et des choses de ce genre. Donc, s'ils n'auraient pas eu ces textes-là, dans ce cas-là, ça aurait été meilleur pour eux. Parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme référence avant la révélation et après la révélation, pour eux, c'est la même chose, c'est-à-dire la logique. Donc, ils n'ont pas besoin. Au fond, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas besoin de révélation. Parce que pour la révélation n'a fait que les rendre plus confus. Et n'a fait que les mélanger dans leurs affaires. Et rendre les choses plus obscures. Et n'a fait que les égarer. Parce qu'elles sont venues avec ce qui vient en contradiction avec ce que affirme la logique, selon ce qu'ils prétendent. Et donc, pour eux, c'est ça, c'est de l'égarement. Donc, ça, c'est la gravité de ce qu'ils prétendent et la gravité de l'égarement de ce qu'ils disent. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « Ya Subhanallah, كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من السلف من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا به أو انفوه. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il réfute tout ça en disant, Subhanallah, que Allah soit exalté et purifié. Comment se peut-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait jamais dit, pas même une seule fois, ni aucun d'entre les salafs de cette umma n'ont jamais dit, pas même une seule fois, que ces versets dans le Coran et les hadiths, qu'il ne fallait pas croire en ce qu'ils indiquent comme preuve, mais qu'il fallait croire plutôt à ce sur quoi se basent les gens de Bid'a parmi les analogies qu'ils font et les principes de logique qu'ils ont inventés, qu'il fallait croire en ça et qu'il fallait revenir à ça parce que c'était ça la vérité, et que ceux qui étaient en contradiction avec le sens apparent dans les textes, ceux qui étaient en contradiction avec cette logique qu'ils ont inventée dans les textes, dans leur sens apparent, qu'il ne fallait pas y croire dans son sens apparent, et qu'il fallait retourner ça à la logique et à la raison et à ce qu'eux ont inventé comme dans leur logique et dans leur compréhension. Et ceux qui étaient en accord avec leur logique, il fallait l'affirmer, et ceux qui n'étaient pas en accord avec leur logique, eh bien, il fallait s'abstenir et ne pas parler à ce sujet-là, ou bien il fallait le nier. Donc ça, c'est quelque chose qui est clarifié donc ici maintenant, parce que Cheikh al-Islam, il dit, le prophète sans doute n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que ce que eux, ces gens-là, disent. Il n'a jamais dit les versets dans le Coran qui parlent d'Allah, il ne faut pas croire ça dit. C'est pas dans le sens apparent. Et les salafs non plus n'ont jamais dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils sont en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir fait, qu'est-ce qu'ils accusent les salafs d'avoir affirmé les attributs d'Allah. Et ici, ils accusent les musulmans qui suivent la voie des salafs d'affirmer les attributs et de dire d'eux qu'ils sont des anthropomorphistes ou qu'ils font du tashbih ou des choses comme ça. Eh bien, ça veut dire que ils doivent également dire ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, puisque aucun d'entre eux n'a jamais dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah dans la sunna, que c'était pas dans son sens apparent et qu'il ne fallait pas croire en ce qui est indiqué dans ces textes-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال السلف الصالح إن هذه الآيات التي في أسماء الله وصفاته وتوحيده ليست على ظاهره أو على ظاهرها فلا تعتقدوا ما دلت عليه بل بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن وبلغنا إياه ولم يقل لنا لا تستدلوا به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن وبلغنا القرآن وأمره الله أن يبلغه للناس وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والسلف قرأوا القرآن ولم يشكل عليهم ولا توقفوا عند آية من آياته أبدا، وإنما إذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى الواضح وفسروه به، لأن كلام الله لا يتناقض، لأن كلام الله لا يتناقض. يفسر بعضه بعضا، وإذا كان أحد لا يحسن الاستدلال فإنه يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه طريقة السلف. فكون الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تعتقدوا ما ذكرته في سنتي، فالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة ما أحد منهم توقف في هذه الآيات، بل قرأوها واعتقدوا ما دلت عليه وفسروها ولم تشكل عليهم. ثم يأتي بعد ذلك حثالة من الناس يأتون بمنهج جديد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وما دل عليه السلف الصالح، ويقولون للناس هذا هو الهدى. دونك الشيخ الزي لمسجد الله صلى الله عليه وسلم نجمدي de même que les salaf salih n'ont jamais dit que les versets dans le Coran qui parlent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui parlent de ses attributs et qui parlent de son tawhid ne sont pas dans leur sens apparent, et qu'il ne fallait pas croire en ce qui est indiqué par ces textes. Plutôt, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné le Coran, et il nous l'a transmis, et il ne nous a jamais dit, n'utilisez pas ce Coran comme preuve. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné le Coran, et il nous l'a transmis, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le transmettre aux hommes. Et il dit dans le verset 19 dans sourate Al-An'am, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Donc, il dit dans le verset 19 dans sourate Al-An'am, et on m'a révélé, on m'a fait la révélation de ce Qur'an pour que j'avertisse par celui-ci et que celui à qui ce Coran a été transmis avertisse également. Celui à qui ce Coran est transmis aussi par la suite avertisse également. Et il dit que les salafs, ils ont donc lu le Coran, et il n'y a rien dans le Coran qui leur a causé des problèmes, où il n'y a pas un verset parmi les versets du Coran sur lesquels ils se sont arrêtés, et sur lesquels ils avaient des problèmes. Ça, c'est jamais arrivé. Il dit, la seule chose, c'est que s'ils avaient une difficulté à comprendre quelque chose, eh bien, ils le ramenaient à ce qui est clair dans le Coran. Et ils l'interprétaient par ce qui est clair dans le Coran. Et pourquoi? Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se contredit pas elle-même. Et donc, ils interprétaient le Coran par le Coran. Donc, quand ils trouvaient une partie du Coran qu'ils ne comprenaient pas, ils le ramenaient aux autres parties dans le Coran pour le clarifier. Et si quelqu'un ne savait pas comment utiliser les preuves du Coran, eh bien, dans ce cas-là, il doit demander aux hommes de science. Ils doivent demander aux savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 43 dans sourate An-Nahl, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Demandez aux savants si vous ne savez pas. Et ça, c'est la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix des salafs. C'est la voix des salafs as-salih. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait pas dit, ne croyez pas en ce que j'ai mentionné dans ce Coran. Et également le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dit, ne croyez pas en ce que j'ai mentionné dans ma sunna. Et de même que les salafs, hein, les salafs al-salih parmi les muhajirines, les ansar et les tabi'in, et ceux qui ont suivi les tabi'in parmi les meilleures générations, aucun d'entre eux n'a jamais dit, hein, ou bien aucun d'entre eux ne s'est jamais arrêté sur ces versets, hein, en disant, yani, qu'il ne faut pas croire en ce qui est mentionné dans ces textes. Ils les ont plutôt, au contraire, ils les ont lus, et ils ont cru en ce qui était indiqué par ces textes, et ils les ont interprétés et expliqués. Et il n'y a rien de ces versets-là qui leur a causé des problèmes. Puis, on a vu apparaître après eux des gens, yani, qui ont ramené une méthodologie nouvelle qui est en contradiction avec ce qui est indiqué par le, dans le Coran et dans la Sunna, et qui est en contradiction avec ce sur quoi se tenaient les salafs salih. Et ils ont dit aux gens, voici la guidance, hein? Ils ramènent une innovation, hein, dans la façon de comprendre les textes au sujet des noms et des attributs d'Allah, hein, et ils inventent des règles, ils ramènent les paroles des philosophes grecs et des philosophes hindous et des autres civilisations parmi les mushrikines, et ils disent aux gens, voici la guidance, voici la guidance qu'il faut suivre. Il ne faut plus suivre les salafs, hein, il faut suivre les mushrikines et les adorateurs d'étoiles et d'idoles, et c'est eux qui comprennent mieux le Coran. Il faut retourner à la compréhension des philosophes grecs et autres pour comprendre le Coran. A'ouzou billah. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit donc que ces gens-là, ils ont dit, il ne faut pas croire en qu'est-ce qui est mentionné tel quel dans le Coran, il faut retourner à nos règles et à nos propres compréhensions et à nos principes, hein? Parce que c'est ça la vérité, c'est ça qu'ils prétendent. Le cheikh dit, hey, lam yaqul Allah i'taqidu ma tadullu alayhi 'uqulukum wa ma yuwafiqu 'aqliyatikum wal maqayis al 'aqliyya allati hiya 'ilm al mantiq wal jadal wal kalam. Donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit, ne croyez pas en ce qui est mentionné dans ma parole, plutôt croyez en ce qui est indiqué par votre raison, ou votre logique, ou ce qui est en accord avec votre façon de penser, ou vos analogies rationnelles que vous avez inventées, comme la science de la science de, disons, la logique aristotélicienne, ou la dialectique, hein, ou la science de, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour parler d'Allah, ils se basent sur la philosophie pour parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils appellent ilm al-kalam, des choses de ce genre. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a jamais référé les hommes à utiliser ces méthodes-là, et à entrer dans ce genre de choses. Au contraire. Et, ensuite, quand il dit, et il ne faut pas croire au sens apparent de ce qui est indiqué dans les textes. Donc, le cheikh Al-Fawzan dit à ce sujet-là, « وَلَمْ يَقُلِ اللَّهِ وَمَا خَالَفَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ لَا تَعْتَقِدُوهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ أَوِّلُوهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ أَوِّلُوهُ عَنْ ظَاهِرِهِ. » Donc, le cheikh, il dit, « Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a jamais dit ce qui est en contradiction avec ce que vous suivez comme science rationnelle ou des choses de ce genre, n'y croyez pas dans son sens apparent. Quand vous voyez un verset dans le Coran qui contredit vos principes et vos règles, n'y croyez pas dans son sens apparent, interprétez-le d'une façon qui fait sortir ces versets-là en dehors de leur sens apparent, hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit ça. De même que ensuite il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, وَانْظُرُوا فِيمَا وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه او انفوه. C'est-à-dire, et ce que vous trouvez dans la révélation qui est en accord avec vos analogies et votre logique, alors croyez en ça, mais si c'est quelque chose qui est en contradiction, eh bien, abstenez-vous de le dire, hein, c'est-à-dire arrêtez-vous, et yani, ou bien vous vous arrêtez, vous dites on ne sait pas ce que ça veut dire, ou bien vous le niez. Ça, c'est la voix des gens de kalam, des gens de bid'a. Soit ils font le ta'wil, ou soit ils font le tafwid, hein, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « هذه طريقتهم هذه طريقتهم إن وافق القرآن عقولهم قبلوه وإن خالف عقولهم فإنهم لا يعملون به وإنما يعملون بعقولهم أما وأما القرآن فيؤولونه عن ظاهره أو يفوضون معناه فهم إما مؤولة وإما مفوضة هذه طريقة الخلف ويقولون إن إنها أعلم وأحكم من طريقة السلف. Donc le cheikh il dit, ça c'est leur voix. Ils disent ce qui est en accord avec le, yani ce qui est en accord avec le Coran dans votre logique ou dans votre raison, acceptez-le. Et ce qui est en contradiction avec votre logique ou votre raison, eh bien, ne l'acceptez pas. Ils ne font qu'appliquer et qu'agir selon leur logique. Hein? En ce qui concerne le Coran, ils l'interprètent faussement. Et il lui donne un sens qui est en opposition avec son sens apparent, ou bien ils font le tafwid, hein, yufawwiduna ma'na, c'est-à-dire que ils disent que nous on peut pas comprendre la signification de ces mots-là ou de ces termes-là, comme si c'était des termes chinois ou des termes dans une autre langue incompréhensible. Donc ils disent, yani, on remet cette signification-là à Allah et on sait pas ce que ça signifie. Donc ils sont soit des mu'awwila, c'est-à-dire ceux qui déforment le sens du Coran et qui lui donnent une signification contraire à son sens apparent, ou bien qu'ils sont des mufawwida, c'est-à-dire ils disent on ne sait pas ce que ces termes-là veulent dire, mais ils ne veulent pas dire ce qui est indiqué par leur sens apparent. Et ça, ils disent que c'est la, yani, ils prétendent que c'est la voix des salafs, et bien entendu on sait très bien que ce n'est pas la voix des salafs et que c'est plutôt la voix des khalafs. Hein? C'est la voix des khalafs, mais ils prétendent que c'est la voix des salafs, alors que yani, c'est la voix des khalafs. Et ils disent qu'elle est plus savante, c'est la voix des khalafs, le cheikh dit, c'est la voix des khalafs, et ils prétendent que cette voix-là, elle est plus savante, plus sage que la voix des salafs, comme on l'a dit dans les cours au début, hein, dans les premiers cours. Donc ça, c'est comment ils dénigrent les salafs et ils mettent les khalafs au-dessus des salafs en agissant de cette façon-là. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, maintenant on va lire ensemble l'explication de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son charh de Al-Fatwa Al-Hamawiyya au sujet du passage qu'on vient de lire. Et Cheikh Ibn Baz, il a donc son charh qui s'intitule Al-Kawakib al-Durriya min ta'liqat samahat al-Cheikh Ibn Baz ala al-Fatwa al-Hamawiyya. Et donc il dit à la page 46, après qu'est-ce qu'on vient de lire, il dit qala samahat al-Cheikh rahimahullah wa hadhihi al-kalimat allati qalaha al-mu'allif واضحه في ابطال ما عليه اصحاب الكلام من الخوض في اسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل وانهم جعلوا عقولهم فيها مقياسا فما اثبتته عقولهم مستحسنته عقولهم اثبتوه وما لا نفوه او توقفوا فيه وهذا الذي قالوه في غايه الباطل وغايه الضلال والبعد عن الحق. Donc le cheikh il dit, samahat al-cheikh rahimahullah, cheikh Ibn Baz, il dit ces paroles que l'auteur a mentionnées sont très claires pour montrer la fausseté des gens de kalam et le fait qu'ils pataugent au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et au sujet de son grand droit, hein, de son droit qui est immense. Ils pataugent dans la fausseté à ce sujet-là parce qu'ils ont fait de leur logique la mesure, hein, à suivre, et la référence à suivre. Donc ils disent que ce que leur logique a affirmé ou ce que leur logique a considéré comme étant quelque chose de bien ou de bon, c'est ça qu'il faut affirmer, et ce que leur logique n'a pas considéré comme étant bien ou bonne, eh bien, il faut le nier ou il faut s'arrêter à son sujet, hein, ne pas l'affirmer. Yani, il faut s'en remettre à Allah. Donc, soit qu'ils font le ta'til ou le tafwir, hein, ou bien ils font, comme on a dit tout à l'heure, le ta'wil aussi. Donc il dit « وهذا الذي قالوه في غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق » Donc il dit « ce que ces gens-là ont dit est à la limite de la fausseté et de l'égarement et de l'éloignement de la vérité. » وقد أوضح رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح بطلان ما هم عليه. Donc il dit dans ce passage, dans cette parole qu'il a mentionnée maintenant, dans ce cours-ci et le cours précédent, il a expliqué la parole à leur sujet de la façon la plus claire possible. Et il a montré la fausseté de ce sur quoi ils se tiennent. Il dit « فَإِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا إِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَإِنَّمَا حَكَّمُوا عُقُولَهُمْ وَمِقْيَاسِهِمْ وما نقلوه عن من قبلهم من صناديد الضلالة وزعماء الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها يعتمد عليه وإنما هو استحسان فلان وفلان فبأي عقل توزن هذه الأمور بعقل فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية المارقة المضطربة المختلفة سبحان الله ما أعظم شأنه. Donc le cheikh il dit, donc ces gens-là en réalité ils ne se tournent pas du tout vers le Coran ni vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font en réalité que se baser comme référence et comme juge sur leur propre logique, sur leurs mesures et leurs règles rationnelles qu'ils ont établies par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et qu'ils ont tiré ou ramené de ceux qui étaient avant eux parmi les têtes de l'égarement et les chefs de la mécréance de tous les différents peuples parmi les Sabi'a et les Majus, ainsi que les autres parmi les gens des différentes formes d'égarement. Puis ils ont utilisé ça comme référence et comme juge, de même que leur logique et leur opinion, qui ne sont supportées par rien, hein, et qui ne se tiennent sur rien, et ils se basent sur ces choses-là, qui sont uniquement basées sur qu'est-ce qu'un tel a dit comme étant bon, ou qu'est-ce qu'un tel a considéré comme étant logique, ou qu'est-ce qu'un tel a considéré comme étant correct, et des choses de ce genre. Et sur le cheikh, il dit, est-ce que c'est par ces choses-là qu'on va juger? Est-ce que c'est par ces choses-là qu'on va juger, par la logique d'un tel ou d'un tel? Ou par qu'est-ce qu'un tel secte ou tel groupe a dit, parmi les différentes paroles qui sont contradictoires et qui sont en opposition et en divergence les unes avec les autres? Subhanallah. Donc le cheikh, il s'étonne de ce comportement-là et de cette attitude-là. Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exalte. Il dit, هذا هو الباطل وهذا هو الضلال البعيد وهذا أوضح ولهذا أوضح المؤلف بهذا الكلام العظيم المتين المصيب بطلان ما هم عليه وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحكم إلى الكاهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم ثم لا يزيدهم هذا إلا بعدا وضلالا فقد يقتتلون ويتنحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان وهذه هي النتيجة التي فعلها هؤلاء اختلفوا وتناحروا فيما جاء به الكتاب والسنة فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفوضوا فصارت أقوالهم في غاية الانحراف والضلال. Donc le Cheikh Ibn Baz il dit que ça c'est la fausseté et que ça c'est l'égarement lointain et que ça c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu clarifier. Et c'est pour ça que cette parole était une parole immense et une parole solide, ferme et une parole correcte et vraie qui est hein, sur la vérité et qui montre la fausseté de ce sur quoi se tiennent les gens de Bid'a parmi les gens de Kalam. Et il dit que ces gens de Kalam, en réalité, ils ne se sont pas retournés au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour juger dans ces questions-là. Et en passant, c'est la même chose aujourd'hui pour ceux qui prétendent vouloir appliquer la sharia d'Allah parmi les différents groupes et les différents partis islamistes comme le groupe des frères musulmans Al-Ikhwan, Al-Mufsidoun, qui par exemple lorsqu'ils parlent d'appliquer la charia limitent ça uniquement à l'application de certaines règles qui concernent les affaires de la dunya et les divergences entre les hommes sur les questions de la dunya. Mais quand il est question de regarder et de retourner aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah et les questions de aqidah, ils disent non, ça ces choses-là, on ne rentre pas là-dedans. Chacun a la liberté de croyance, chacun a la liberté de penser comme il veut et de croire comme il veut à propos d'Allah, et ils laissent le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam derrière leur dos dans ces questions qui sont en réalité les fondements de l'islam et les fondements de la croyance islamique qui sont les plus importantes et beaucoup plus importantes que les divergences dans les questions de la dunya pour des questions d'argent ou des choses de problèmes de couple ou des choses de ce genre. Donc c'est là qu'on voit en fait comment ces gens-là ne donnent aucune importance à la aqida. Et c'est pour ça que tu retrouves par exemple dans les paroles du fondateur des frères musulmans, tu vas retrouver dans leurs propos des exemples de ce qui vient en contradiction avec la aqida des salafs lorsqu'il affirme par exemple la position du tafwid au sujet des noms et des attributs. Et également il dit ou il prétend que c'est la voix des salafs, hein? Il dit on ne sait pas qu'est-ce que ces attributs là signifient et on ne sait pas ce que ça veut dire et on s'en remet à Allah. Et il ramène des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Plutôt il ramène des paroles de Cheikh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal au sujet de ses noms et de ses attributs, et il prétend que c'est ça la position des salafs, alors que les paroles qu'il a ramenées qui sont attribuées à l'imam Ahmad, tous les ulama savent que ces paroles là sont faibles, c'est des paroles qui sont faibles et qui sont fabriquées et qu'on n'affirme pas et qu'on n'affirme pas à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? Les ulama des Hanabila ont tous mentionné au sujet de ces paroles qu'on lui a attribuées qu'elles ne sont pas authentiquement attribuées à l'imam Ahmad. Donc il se base sur des paroles faibles et des paroles fausses qu'il attribue à l'imam Ahmad pour attribuer aux salafs des choses qui n'ont rien à voir avec la voix des salafs. Et ça c'est la voix et l'exemple de Hassan al-Banna dans son livre Al-Aqaïd, où il confirme la aqida des Asha'ira. Donc il est sur la voie des Asha'ira. Et beaucoup d'entre eux, les gens qui le suivent, sont sur cette voie d'égarement aussi. Et sur la voie du tasawwuf aussi, sur la voie du soufisme. Donc il ne veut pas revenir à la aqida des salafs sur ces questions-là, malgré qu'il prétend vouloir appliquer la sharia. Et la même chose pour Sayyid Qutb, qui suit la voie des Asha'ira aussi dans leur égarement et qui suit la voie des Jahmiya, lorsqu'il parle à propos du verset d'Allah, lorsqu'il dit qu'il est au-dessus de son trône et qu'il dit que ça signifie Al-Istiwa, que ça signifie Al-Haymana. Donc les Asha'ira ils disent que ça veut dire Al-Istila, au lieu de dire Istawa ils disent Istawla. Et Sayyid Qutb lui il dit la même chose, au lieu de dire Istawa il dit Al-Haymana, et Al-Haymana c'est la même signification que Al-Istila, c'est-à-dire que Allah a pris le contrôle, le pouvoir du trône. Et ça c'est une déformation du sens. Donc tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve que ces gens-là, ils parlent de la charia, mais ils ne veulent pas l'appliquer dans ce qu'il y a de plus important dans la religion d'Allah, c'est-à-dire dans la aqida. Donc il dit, le cheikh, que ces gens-là veulent uniquement prendre comme juge leurs passions et leurs opinions, et les opinions de ceux qui étaient là avant eux parmi les égareurs, et ils ont ressemblé en agissant ainsi aux gens de la jahiliya lorsqu'ils jugeaient dans leurs divergences. Ils retournaient pour juger vers les médiums et les voyants et les gens qui prétendaient connaître l'avenir et des choses de ce genre. Donc le cheikh, il dit, ainsi que vers d'autres, il retourne vers ceux-là et vers d'autres parmi les têtes de la, yani leur tête et leur haut placé parmi les gens de l'égarement. Donc il dit, ça ne fait en fait que les augmenter en éloignement et en égarement. Et ça les amène même parfois jusqu'à s'entretuer et à se battre et à se combattre les uns les autres. Et ils n'acceptent ni logique, ni la logique d'un tel, ni la logique d'un autre. Hein? Et c'est ça le résultat. C'est ça le résultat de ce que font ces gens-là. Hein? Ils se divisent, hein? Et ils divergent entre eux. À propos de ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna, certains d'entre eux ils nient les attributs d'Allah, et d'autres parmi eux vont s'abstenir de parler à propos des attributs d'Allah, et ils vont prétendre que on ne peut pas comprendre la signification de ces attributs-là et de ces noms-là, et qu'il faut s'en remettre uniquement à Allah et ne pas affirmer leur sens apparent. Et le cheikh, il dit, donc toutes ces paroles-là sont à la limite de l'égarement et de la déviation. أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا للحق وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا في بناء وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به والرد على من خالفه. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce sont ceux qui se sont accrochés au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont ceux qui ont été guidés vers le droit chemin et qui ont eu le succès de connaître la vérité, et qui sont restés une seule main et un seul corps et une seule construction, comme un seul bâtiment, et aller dans le fait de suivre la vérité et de s'accrocher à la vérité et de réfuter tous ceux qui ont contredit cette vérité. Il dit ensuite, « ولازم قول هؤلاء الضالين نسف الكتاب والسنة وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة وما زادهم خيرا فالكلام بهذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة كفى به قبحا فالكلام بهذا المقال كفى به قبحا وضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh, il dit que leur parole implique en réalité, la parole de ces égarés implique en réalité d'annuler complètement et de rejeter complètement le Coran et la Sunna. Hein? Parce que, il y en a pour eux, le Coran et la Sunna n'ont aucune place dans les questions de religion et dans les questions d'aqida. Hein? Et même que, comme Cheikh l'Islam, il l'explique, qu'en réalité pour eux, c'est comme si le Coran et la Sunna avaient augmenté les gens en égarement et en épreuve et en ambiguïté, et qu'il ne leur a pas augmenté, le Coran et la Sunna ne les a pas augmentés en bien. Et le cheikh, il dit, de dire ce genre de paroles, ça implique donc d'annuler complètement le Coran et la Sunna, et ça c'est suffisant comme parole laide, et c'est suffisant comme égarement et comme éloignement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est suffisant comme éloignement du droit chemin. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il dit ensuite, وهذا الكتاب الحموية من أحسن ما ألفه المؤلف ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة وأنه لا سبيل لهم إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى فما أخبر به الله عن نفسه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو الحق والصواب وما خالفه فهو الباطل والضلال نسأل الله لنا ولنا ولكم العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, donc Al-Hamawiyya, le livre Al-Hamawiyya qu'on est en train de lire, il dit que c'est un des meilleurs livres qui a été écrit par l'auteur, c'est-à-dire par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est parmi les livres les plus clairs par lesquels on peut réfuter les gens de la fausseté et les imposteurs et clarifier leur déviation et leur fausseté et leur divergence et leur division et montrer à quel point ils sont à la limite et à l'extrême de l'égarement et de l'éloignement de la guidance et également que il n'y a pas d'autre chemin et d'autre voie vers la rectitude et vers qu'est-ce qui est correct que de retourner au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 50 dans sourate Al-Ma'ida. Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il cherche et qui est meilleur qu'Allah qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple convaincu? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui se connaît le mieux. Et il est celui qui connaît le mieux sa création. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui connaît le mieux son Seigneur parmi les créatures. Et ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à propos de lui-même, ou ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de son Seigneur, ça c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est correct. Et tout ce qui vient en contradiction avec ça, c'est la fausseté et l'égarement. Voilà la référence pour le musulman. Voilà la référence pour le salafi. Hein? Ce que Allah a dit et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, ça, c'est la voie à suivre. Ma'am. Donc, maintenant, on revient à la parole de Cheikh Yani Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il dit à la suite de son livre, donc, Al-Fatwa Al-Hamawiyya dans le char. Donc on revient maintenant aux paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة وفقد علم ما سيكون. Donc le Cheikh il dit, puis le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé que sa umma allait se diviser en 73 sectes. Et il a mentionné, il a su ce qui allait arriver par la suite. Hein? Il a su ce qui allait arriver par la suite, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là? Il dit, الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحدث في المستقبل لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Donc le cheikh il dit que le messager صلى الله عليه وسلم a su ce qui allait arriver dans l'avenir parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la connaissance de ce qui allait se produire dans le bien, hein, pour le bien de l'humanité. Et il mentionne le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que yani, ils ne peuvent cerner rien de sa science, ils ne peuvent rien cerner de sa science excepté yani, ce qu'il veut, excepté ce qu'il veut. Et il mentionne le verset 26 et 27 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le connaisseur de l'invisible, connaisseur de l'inconnu, du rêve, et qu'il ne laisse personne connaître l'invisible, son invisible, excepté celui à qui il a agréé d'entre ses messagers. Donc si le messager savait quelque chose du rêve et de l'avenir, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette connaissance-là à propos de cette chose-là en particulier, et non pas qu'il avait la connaissance du rêve, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il avait la connaissance du rêve, parce qu'il y a des soufis qui disent ou qui pensent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait le rêve et que leurs chouyours connaissent le rêve, et ça c'est bien entendu c'est kufr, c'est du shirk, parce qu'ils attribuent à une créature et ils donnent à une créature une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, une attribut qui est exclusive à Allah. Donc ça c'est pas permis. Et donc le cheikh il dit فالله يطلع الرسول يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلم الناس مصالحهم ودينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المستقبل وأنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة. فقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فالذين بقوا على الحق هم الناجون، وأما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار، ومنهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، فليسوا على حد سواء، والذي يدخل النار لفسقه فقط هذا يعذب فيها ثم يخرج منها، فهو من فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين. فقوله كلها في النار هذا من باب الوعيد، ليس معناه أن كل مخالف كافر وهو في النار مخلد فيها، هذا من أحاديث الوعيد، وهم يتفاوتون في دخولهم النار، ومنهم من يدخلها مخلدا فيها، ومنهم من يدخلها مؤقتا وهم عصاة المؤمنين. Donc ça c'est un point très très important, qu'est-ce que le cheikh explique maintenant. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a fait il a donné la connaissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam de certains aspects du ghaib, parmi les choses qui ont rapport avec le passé ou avec l'avenir, dans le but de faire connaître aux gens et aux hommes les choses qui sont bénéfiques pour eux dans leur religion et dans les choses qui sont bonnes pour eux. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir, et qu'il y allait y avoir des divergences dans cette umma et des différends, et il a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elles seraient toutes en enfer excepté une. Ils ont dit ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, laquelle sera au paradis, c'est-à-dire laquelle sera sauvée. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant celle qui sera sauvée, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons, ou celle qui suit ce que je suis et mes compagnons. Donc il y a les deux narrations qui sont mentionnées. Puis il dit ceux qui restent donc sur la vérité, ce sont ceux qui seront sauvés, tandis que ceux qui sortent de la vérité, ils seront dans le feu de l'enfer. Et maintenant le cheikh il va élaborer qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'ils seront dans le feu de l'enfer, parce qu'il y en a des gens justement qui s'imaginent ou qui pensent que lorsqu'on dit qu'ils seront en enfer, ou lorsqu'ils lisent un hadith qui mentionne que quelqu'un est en enfer, ils pensent que ça veut dire que la personne en question est mécréante et qu'elle sort de l'islam, et ce n'est pas le cas. Le cheikh il explique Il dit qu'ils seront dans l'enfer, c'est-à-dire ceux qui sortent de la vérité seront en enfer. Le cheikh il dit, parmi eux, certains vont aller en enfer à cause de leur mécréance, et parmi eux, il y en a qui iront en enfer à cause de leur égarement et de leur péché. Et ils ne sont pas tous au même degré, ils ne sont pas tous égaux. Celui qui rentre en enfer pour son péché seulement, eh bien, il sera châtié, c'est-à-dire il sera châtié en enfer, puis il va en sortir par la suite, c'est-à-dire il va sortir de l'enfer, il ne va pas y rester. Parce qu'il n'est pas rentré pour du kufr, il est rentré pour un péché. Donc, il fait partie des croyants parmi les pécheurs. Il fait partie des pécheurs parmi les croyants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Elles seront toutes en enfer », ça fait partie de la menace. Ça rentre dans les textes qui ont rapport avec la menace. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous éternellement en enfer ou qu'ils sont pour toujours en enfer. Le cheikh il dit laysa ma'nahu anna kullu mukhalifin kafir. Ça ne veut pas dire que toute personne qui contredit la vérité qu'il est automatiquement kafir. Hein? Peut-être que yani, il sera en enfer pour un certain temps à cause d'un péché. Il a contredit la vérité en faisant un péché. Il n'est pas éternellement en enfer. Tandis que d'autres, ceux qui ont contredit la vérité par du kufr, ceux-là seront en enfer éternellement. Donc ces hadiths-là font partie des hadiths de la menace. Et les gens rentrent dans l'enfer selon leur degré et selon leur état, selon leur signification, selon leur situation. Parmi eux, il y en a qui rentrent pour rester éternellement dans l'enfer, tandis qu'il y en a d'autres qui rentrent pour demeurer en enfer temporairement. Et ceux-là sont les pécheurs parmi les croyants, ceux qui ont commis des péchés parmi les croyants. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, والحاصل فالحاصل أن من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الخالفة الخالفة لأهل الحق وهو متوعد بالنار ولا يبقى على الحق ويكون من أهل النجاة من النار إلا يعني ولا يبقى على الحق ويكون من أهل النجاة من النار إلا من بقي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم إخبارا معناه التحذير من مخالفة ما جاء به والتحذير من الافتراق والحث على الاجتماع على الحق ولزوم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وألا نغتر بالفرق وكثرتها ونقول ليس كل هؤلاء على ضلال فأهل الضلال كثيرون وأهل الحق قليلون فلا نغتر بالكثرة بل علينا أن ننظر ما عليه الناس وما كان حقا أخذناه ولو لم يكن عليه إلا واحد أو لم يكن عليه أحد وما كان ضلالا تركناه ولو كان عليه أكثر الناس. Donc le cheikh il explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que toute personne qui contredit ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons, alors il fait partie des sectes qui ont contredit les gens de la vérité et il est menacé par l'enfer et il n'est pas resté sur la vérité. Et yani, ceux qui vont être sauvés de l'enfer, c'est seulement ceux qui sont restés sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut nous informer ici. Et ça signifie donc en réalité, ce hadith-là signifie en réalité de nous avertir contre le fait de contredire ce qu'il a ramené et de nous avertir de la division et de nous inciter à rester unis sur la vérité et de nous accrocher à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses la voix de ses compagnons. Ça, c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, hein, nous a donné comme information. Et c'est ça la signification. C'est de nous inciter à rester fermement accrochés à ce qu'il a suivi ainsi que ses compagnons et de ne pas nous laisser tromper par les différentes sectes et par leur grand nombre. Parce que certains pourraient dire, c'est pas, tous ces gens-là peuvent pas être sur l'égarement. Et le cheikh, il dit, sachez que les gens de l'égarement sont nombreux et que les gens de la vérité sont peu. Et ne vous laissez pas tromper par la grande quantité ou le grand nombre. Il dit, plutôt, regardez à la réalité de ce que suivent les gens. Si ce qu'ils suivent, c'est la vérité, on le prend. Et sinon, le cheikh dit, si ce qu'ils suivent, c'est la vérité, on le prend, même si c'était une personne toute seule. Ou bien que lam yakun alayhi ahad, même s'il n'y a personne qui le suit, si on voit que c'est la vérité, on doit le prendre. Et si c'est de l'égarement, on doit l'abandonner, même si la majorité des gens sont en train de le suivre. Ça, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à comprendre à notre époque. Ils regardent uniquement les nombres. Ils regardent uniquement la quantité. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il dit, وَمَا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ ولو حرصت بمؤمنين مثلا في القرآن وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالعبرة ليست بالكثرة وهذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بها إذا كانت على غير حق وأن القلة لا تزهد في الحق ولو كان عليه واحد أو جماعة قليلة لأن بعض الناس يغتر بالكثرة ويزهد بالحق إذا كان عليه إلا قلة والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الخلاف وذكر لنا طريق النجاة وقال من كان على ما أنا عليه وأصحابي وهذا أيضا في الأسماء والصفات والتوحيد ومن كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوحيد والصفات فهو من الفرق الناجية ومن كان مع الفرق المنحرفة في الأسماء والصفات فهو من الفرق الضالة نعم الشيخ الذي الله سبحانه وتعالى مثلا dans le verset dans sourate Yusuf le verset 103 et la plupart des hommes même si tu le désires ardemment, ils ne vont pas être croyants. Ils ne vont pas croire. Donc ça, c'est le verset 103 dans Sourate Yusuf. La plupart des hommes, même si tu le désires ardemment, ne vont pas croire. Et le verset 102 dans Sourate Al-A'raf, et nous n'avons trouvé à la plupart d'entre eux aucune entente, aucun respect des ententes. Et nous les avons trouvés, la plupart d'entre eux, comme étant des pervers. Donc ça, c'est pour dire que la majorité des gens ne sont pas croyants. La majorité des gens sont des pervers. La majorité des gens ne respectent pas leurs engagements. Et il dit dans Surat Al-An'am, le verset 116, « Et si tu obéis à la plupart des hommes sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Donc le cheikh, il dit, on ne doit pas prendre en considération uniquement la quantité. Parce que la quantité n'est pas une référence si elle est sur autre que la vérité. S'il y a un grand nombre, mais que c'est un grand nombre qui n'est pas sur la vérité, on ne doit pas le prendre en considération. Et on ne doit pas non plus s'écarter de la vérité par rapport à un petit nombre. Si on voit que des gens qui suivent la vérité sont peu nombreux, on ne doit pas les abandonner ou s'en écarter à cause de leur petit nombre ou parce qu'ils sont un petit groupe. Parce que les gens à notre époque, et même pas seulement à notre époque, les gens sont trompés facilement par la quantité et par le nombre. Et ils s'éloignent de la vérité si c'est un petit nombre qui la suit. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné qu'il y allait y avoir de la divergence, qu'il y allait y avoir des différends. Et il nous a expliqué la voie du salut. Et il a dit, c'est celui qui suit ce que je suis ainsi que mes compagnons. Et le cheikh, il dit, ça c'est également dans la question des noms et des attributs. Ce qui suit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons dans le tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah. Il fait partie de du groupe sauvé. Et celui qui avec les sectes déviés au sujet des noms et des attributs d'Allah, eh bien il fait partie des sectes de l'égarement. Et le cheikh il dit ensuite, فَهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه أخبر عن شيء قبل حصوله وحصل والغرض من ذلك التحذير عند حدوث الفرقة أو عند حدوث الفرقة من الذهاب مع الفرق والحث على الثبات على الحق ولو كان ما عليه إلا قلة وأيضا فيه الحث على الصبر لأن الذي على الحق قد يؤذى ويمتحن ويضرب أو يقتل أو يسجن فيصبر ولا ينحرف مع أهل الضلال وإلا هو يلاقي أذى ويلاقي شرا فيصبر ولا ينحرف مع أهل الضلال وإلا هو يلاقي أذى ويلاقي شرا. دونك شيخ Cheikh Al-Fawzan, il dit, donc ce hadith fait partie des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous a informé de quelque chose avant que cette chose-là se produise, et elle s'est produite. Donc le but, c'est de nous avertir de cette chose qui allait se produire, c'est-à-dire de la division et des sectes, et de nous avertir d'aller avec ces sectes. C'est-à-dire de nous avertir de ne pas tomber dans ce que suivent ces sectes et de nous inciter à rester ferme sur la vérité, même si ceux qui suivent la vérité sont peu nombreux. Et tu vois aujourd'hui les koufars, quand ils parlent des musulmans, ils classifient les musulmans en intégristes et modérés, ou en, par exemple, musulmans modérés, musulmans ordinaires et musulmans islamistes ou musulmans intégristes ou musulmans salafistes ou des choses de ce genre. Et ils se basent pour déterminer ceux qui sont vrais ou ceux qui ne sont pas sur la vérité par rapport à la quantité. Et ils disent, ceux-là sont une minorité, ceux-là sont une majorité, ceux-là sont une minorité. Comme si ça c'était qu'est-ce qui déterminait, qu'est-ce qui était vrai ou faux par rapport à l'islam. Et donc, nous, on doit revenir aux termes qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna pour décrire les croyants et ceux qui suivent la vérité. Et on doit retourner à des significations réelles, pas à des termes inventés qui n'ont aucune signification et qui ne sont supportés par aucun verset dans le Coran ni dans la Sunna. Donc, nous, on retourne aux significations dans le Coran et dans la Sunna pour comprendre et pour savoir qu'est-ce qu'on doit nier. Et qu'est-ce qu'on doit affirmer, et qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est faux. Et qu'est-ce qui est vrai, on l'affirme, peu importe que ça plaise au kuffar ou non. Et qu'est-ce qui est faux, on le nie, peu importe que ça plaise au kuffar ou non. Et on s'accroche à la vérité, peu importe qu'on soit une majorité, peu importe qu'on soit une minorité. L'important, c'est qu'on soit sur le haq. Et si on voit que c'est un petit nombre qui suit la vérité, eh bien, on ne va pas s'en écarter juste parce que c'est un petit nombre. On va s'y accrocher et on va faire preuve de patience et d'endurance, comme le cheikh il le dit ici. On va faire preuve de patience et d'endurance, et il dit parce que celui qui est sur la vérité, il va avoir des insultes, il va recevoir des offenses, et on va lui faire du tort, et il va être testé, et il va être frappé, et il va être tué, et il va être emprisonné, يعني tout ça parce qu'il s'est accroché à la vérité. Pas parce qu'il a fait du terrorisme et parce qu'il a contredit le Coran et la Sunna en tuant des innocents, ça fait pas partie de l'islam. Non, il va se faire éprouver. Pourquoi? Parce qu'il a suivi le Coran et la Sunna, parce qu'il affirme les noms et les attributs d'Allah, parce qu'il affirme ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et parce qu'il dit la vérité lorsque c'est nécessaire et lorsque c'est il dit aux hommes qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran et dans la Sunna, il se fait éprouver à cause de ça. Donc il doit être endurant et il ne doit pas se détourner avec les gens de l'égarement. Il doit rester ferme et il doit endurer ce qui lui arrive comme difficulté et comme mal à cause de ce qu'il a à cause du fait qu'il s'est accroché à la vérité. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera bi'idhnillah à la session au prochain cours inshallah. Donc le prochain cours qui sera le cours numéro 19 inshallah. Donc pour aujourd'hui c'est ce qu'on avait la possibilité de lire ensemble et de clarifier. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.